amour. J'ai trop longtemps cru et je me suis perdu. Rien que ton sourire c'est déjà trop. Comme un sale arrière-goût de déjà vu. Ne fais pas semblant d'être heureuse. Moi je suis cassé, t'attends la garantie. Ta rythmique interne se fait nerveuse. Laisse-moi te faire ouvrir les yeux sur ma vie. Je suis le diable qui t'empoisonne. Je suis le trou noir qui s'ouvre sur rien du tout. Je suis le suicide qui se cramponne. Je suis tout ce que tu peux imaginer. Je suis le chanteur qui rend ta vie noire. Le musicien de l'inespoir. Je ne suis rien d'autre que du cafard. Alors va-t'en, non, je ne veux plus te voir. Je ne m'en crois plus un mot. Tes mots coulent comme la bave d'un crapaud mort. Rien que ton sourire c'est déjà trop. Ne laisse pas ton âme mentir à ton corps. Je t'ai vu pailler dans mes bras. Tu ne perds pas pied, tu prétends le contraire. Ton faux bonheur ne concerne que toi. Et il te mènera tout droit en enfer. Je suis le punk rocker de l'ombre. Je suis la mauvaise nouvelle du matin. Je ne suis rien d'autre que de la haine qui fera pousser toutes tes idées malsaines. Je suis le diable et je suis Dieu. Et toi, je suis la deadline de ta joie. Je ne suis rien que mon égo. Et toi, ne me parle plus, je n'en crois plus à moi. C'est con la mort et tu vois l'amour, c'est pire. Un peu d'éternité en éphémère. Sur ton chagrin j'entends ton rire. Et ce rire tu vois tu dois le faire taire. Tiens laisse-moi la fermer moi-même. En fermant mes mains autour de ton cou. Répète-moi encore que tu m'aimes. Et moi je serrerai ta gorge jusqu'au bout. J'étais ta vie, je suis ta mort. Et toi, je suis la défaite. Le temps n'en croit plus un mot. Je suis ta